Don't fall my. Vive le vent! Vive le char libre! Vive le vent! Pour toutes les conversations dans lesquelles tu as fait partie. Genre, nous te remercions. Genre, nous te remercions. Pour toutes les fois où tu as sauvé les utilisateurs de la langue française et du Nimbus. Pour toutes les fois où tu as rempli un trou qui aurait pu être vide. Genre, nous te prions. Genre, nous te prions. La SAR vous attend pour une grande première jusqu'au 30 septembre. Tous les concessionnaires automobiles Sudis. Un rendez-vous à ne pas manquer chez Nicole Auto. Vous êtes servi avec courtoisie. Audrey et Lacombe. Grand choix de véhicules neufs et d'occasion. La SAR Auto. Nous avons l'auto qu'il vous faut. Trottier et fils. Pour un service après-vente sans pareil. Melançon Automobile. Nous avons le véhicule qui répond à vos besoins. Contact Chevrolet. À Mécanique, on n'est pas plus loin qu'ailleurs. Votre concessionnaire s'engage à effectuer votre premier paiement pour vous. À son tour, votre 15 de jardin d'Abitibi-Ouest s'engage à effectuer votre second paiement. Je vais donc commencer à payer qu'au troisième versement. Oui, madame. Alors, d'ici le 30 septembre, vous avez toutes les raisons de chanter comme Marie-Pierre. Et oui, c'est votre équipe de radio préférée, 70%. Ici, on a une super vedette en onde, M. Michel Lauzière, bonjour. Bonjour. Et bien sûr, l'autre super vedette de l'émission, Simon-Pierre Bilodeau, bonjour. Allô, ça va bien? Ben certain, j'ai entendu, je me suis laissé dire tantôt que tu avais une espèce de nouvelle spéciale. Est-ce que tu l'as dit? Oui, j'ai appris ça un matin, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Mon avocat a fait un travail incroyable. Bon. Et puis, je ne serai finalement pas accusé d'incitation à la haine et la poursuite a décidé de laisser faire avec les accusations de voies de fait graves. Alors, finalement, je suis blanchi. Ça, c'est l'histoire. Aucune conséquence. OK. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'est vrai, cette affaire-là? Ouais, c'est très, très vrai. Ouais. Simon-Pierre Bilodeau qui a perdu le contrôle. Hein. Ah bon? Jadis Naga. Hey, en studio? Non. Ah, avec un invité à lunettes. Attention. OK, ça, c'est ça. OK, ben, je vais peser play pour notre tune thème qu'on est absolument pas tanné d'entendre. Non, ben après, non. Après ça, on va vous revenir à 70%. Quoi qu'on va continuer à parler pendant qu'elle joue, comme ça, c'est un petit peu moins fade. Là. Oui. C'est quoi, ça? Pardon, monsieur? C'est quoi qui joue? En fait, c'est de l'original 70%. Notre tune time. Oui. On l'entend quasiment pas. Oh, c'est la monter un petit peu. Ah, je... Tu reconnais une voix? C'est plein de poésie. C'est assez profond. Ça fait longtemps qu'on n'a pas expliqué comment qu'elle a été écrite, en plus. Le temps que le musicien a épicé, mettons, Simon-Pierre a éjaculé les phrases sur une feuille, et voilà. Pourtant, c'est toi le poète. Je t'écoute, là. C'est toi qui... Sinon, aujourd'hui, on va poser des questions à M. Michel Lauzière, qui parle plusieurs langues et qui a vu plusieurs pays. On va parler de quoi aussi, Simon? Hier, c'était la journée internationale de la femme. Effectivement. On va en parler un petit peu. On a toujours des nouvelles tout aussi ridicules. J'ai l'impression qu'on va skipper le comic de la semaine, par contre, malheureusement, parce qu'on a pas mal de stock. Il y a eu bien des niaiseries qui se sont passées. Si l'humanité arrêtait d'être, dire, imperfectible, on pourrait arrêter 70%. Tout à fait. Et puis, on risque d'avoir une très bonne entrevue avec M. Lauzière, alors on va lui faire de la place. Effectivement. Un risque calculé. Excellent. Bon, là, on va laisser Simon Fenet de s'énerver. On va écouter une chanson. En fait, on va commencer avec une toune de Chet Atkins. Ça dure 3 minutes 32. Moi, j'ai commencé à triper sur la toune à cause de la guitare. C'est une voix country. C'est rien à laquelle je suis habitué. C'est rien que j'aime d'habitude. Vous saviez très bien Chet Atkins, qui est un champion de la musique américaine, qui a fait son beurre dans les années 40-50 avant de devenir producteur pour des champions comme Jimi Hendrix et... Je pense qu'il travaillait avec Dire Straits aussi, parce que son dernier album, avant de mourir, il l'a fait avec Mark Knopfler, le guitariste leader de Dire Straits. Donc, on va écouter After You've Gone de Chet Atkins. Les paroles, bien sûr, me font penser à ma douce Isabella, qui ça fait presque un an, je ne l'ai pas vue d'ailleurs ce soir. On va peser play, on se revient à 70%. Hey Tommy! Vous en avez assez de passer une minute par semaine à genoux pour rendre votre bain surhygiénique en pensant que vos amis vous jugent à sa propreté insolente. C'est pour répondre à ce lourd problème de société que Johnson & Johnson, une entreprise qui ne partage ses profits qu'en famille, introduit le EasyBat Pull-Up, un levier à l'installation facile permettant de soulever votre baignoire à la hauteur voulue pour le surlaver à votre goût. Le EasyBat Pull-Up, parce que la surconsommation, ça n'a des répercussions que dans les pays pauvres. Oui, qu'est-ce qu'on fait quand on possède plus de 100 millions de dollars américains et puis qu'on est retraité à 34 ans? Oh boy! On a du sexe pas mal. On se part une maison de disques, une étiquette. OK. On loue les studios, on va chercher des musiciens, on lance un single au Grand Prix du Canada. On s'appelle Jacques Villeneuve. Oh. et il n'a vendu que 233 exemplaires de son album Private Paradise. Oups, 234, je viens d'en acheter un, l'autre bon avis. Mais c'est donc 234 depuis ça fait une semaine que ça a été mis en vente. Et puis c'est ça, à l'extérieur du Québec, le coureur automobile malheureusement n'en a pas vendu plus d'une trentaine. Ah, lui, il se vante encore d'être québécois, mettons, et son marché cible, c'était le Québec, et espérait percer au Québec en tant que musicien. J'imagine, je ne sais pas combien il en a vendu en Europe, par contre, ça, on ne sait pas. Okay. Mais bon, il aurait été chahuté au terme d'un spectacle bénéfice dans une station de ski. Il aurait fait 6 chansons là-bas, dont 2 où il aurait été, en effet. S'il te plaît, tasse-toi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça la nouvelle. Bravo, Jacques. Malheureusement, j'ai essayé d'en downloader du Jacques Villeneuve ainsi que du Caroline Néron. J'ai pas été capable. Caroline Néron, on s'en rappelle, la ville aurait été placardée de publicité pour son dernier album, La Vraie. Reprogrammée, là, quelque chose comme exactement. Ça. Exactement. Ouais, ouais. Elle en a vendu 786 exemplaires. Oups. De son album. Alors, bon, Caroline et tout comme Jacques qui ont des voix chaudes et sensuelles. Et qui ne réinventent rien. Bon, Michel, ça va bien? Oui, ça va très bien. On va y aller en entrevue. J'ai sûrement de quoi faire une bio ici à quelque part que j'ai sûrement copié-collé d'un site web quelconque. Oh. 70%. 70%. Hey, j'ai pas oublié. Ben, d'ailleurs, pendant que tu cherches ça, Michel, moi, je pose une question à tous les invités ici. Mm-hmm. On va commencer par ça fort. Est-ce que tu joues à Magic? Si je joue à Magic, je connais même pas ça. C'est la réponse universelle. Oui, c'est un jeu de cartes, un petit peu comme des cartes à collectionner de hockey, mais qu'on peut jouer avec. Ah bon? Et puis, je me demandais, est-ce que tu peux dire « ta mère connaît rien » en japonais au micro? Non. Parce qu'il y a quelques sites qui disent que tu parles japonais. Non, mais c'est parce que c'est des informations faussées. Je parle pas japonais. J'ai par contre fait mon spectacle de 55 minutes en japonais en 2003. J'avais déjà fait plusieurs apparitions courtes au Japon où j'apprenais quelques phrases par cœur parce que c'était des bons gags, des bonnes lignes qui marchaient bien pour le studio. Et on m'a demandé de faire un show un peu plus complet, 55 minutes dans une salle. Et bon, j'ai pris 2 mois, j'ai engagé une interprète. Mm-hmm. J'ai fait traduire tout ce que j'avais à dire. C'est sûr que parallèlement ça, j'étudie un peu la grammaire et j'étudie un petit peu la langue, quelques mots, mais de là à dire que je le parle, c'est complètement faux. Moi, j'ai jamais dit ça. Okay. C'est juste des fois mal interprété, là, mais il y a certaines langues que je parle, comme je me débrouille bien en français. je parle anglais parce que j'ai travaillé peut-être plus en anglais qu'en français. Okay. Et puis, j'ai appris l'espagnol d'une façon honorable. d'une façon, disons, que je peux le parler. On pourrait faire l'entrevue maintenant en espagnol. Ça, j'appelle ça parler une langue. Et ouais. Allemand aussi. Allemand, je suis un petit peu rouillé, mais je préfère également l'entrevue en allemand. Mais j'ai fait des petites parties de spectacle en grec, je l'ai fait en portugais, je l'ai fait dans plein de langues auxquelles je comprenais rien. Mais je savais toujours ce que je disais. Apprendre la phonétique comme ça, ça doit être très difficile quand même. Oui, c'est difficile. Comme je me souviens, par exemple, qu'en turc, à Istanbul, j'ai fait 3 émissions en direct là-bas à 3 occasions différentes en 2003. Et puis j'arrivais, puis je devais apprendre des sons que je connaissais pas. Puis quand on dit ces sons-là, on voyait comme les veines et les nerfs du cou qui ressortent. Ça m'a pris tellement de temps à essayer de faire quelque chose qui ressemble un peu au son que les gens produisent. C'était une jeune fille qui était mon coach, puis elle me le répétait, yaptum, kandayaptum. Jamais été capable de le dire comme du monde. Mais au moins, ils ont compris ce que je voulais dire. Okay. Dans quel cadre t'as appris à parler couramment l'espagnol et l'allemand? Dans les deux cas, ça a été par moi-même. Au départ, quelques cours et à un moment donné, les cours, moi, je peux pas être assez régulier dans mon calendrier pour y être assez souvent. Okay. Donc, ça valait pas la peine. Mais ça fait quand même ça, l'espagnol, on parle, ça fait quand même 20 quelques années. Là. Okay. Et puis après ça, par moi-même, en me traînant toujours un livre de grammaire et un dictionnaire de la langue dont on parle. Mmh. Et puis, quand je suis dans un pays, au moins à chaque jour, j'essaie d'apprendre quelques mots. Donc, je m'améliore. Même quand je dis, bon, je parle pas japonais, j'ai suivi ici à Montréal des cours de japonais. J'ai pas fini pour la même raison que d'habitude. Mais, mettons, tu vas dire quelque chose qui est à moi, watashino, watashi c'est moi, no, c'est comme la particule d'appartenance. Mm-hmm. Watashino, ça veut dire anatano, c'est toi, à toi. Okay. Anatano, namaiwa, ton nom. Okay. Donc, je connais quand même. Je suis capable de dire un peu de quoi on parle dans une conversation japonaise que j'entends autour de moi. Mais on peut pas dire qu'on parle d'une langue pour ça. Là. Mais pas assez pour dire ta mère connaît rien en japonais. Absolument pas. Peut-être en allemand. En allemand quoi donc? Juste ta mère connaît rien. Ah, mais meine Mutter kennt nichts. Excellent! Vous entendez ça, les Allemands? Sie ist total nutzlos. Elle est complètement inutile. Sie ist so dumm. Elle est tellement non. Mais ma mère, c'est pas ça, par exemple. Non. Das ist nicht wahr. Ça, c'est pas vrai. Ah! Pas oh! Et donc, on retourne au sérieux. Dis-moi, Michel, juste savoir, c'est ça, bon, t'as tourné partout sur la planète. Comment ça a commencé, ça? Ça a commencé assez raide quand j'ai quitté le duo Les Fous Braques en 88, fin 88 et début 89. J'ai fait mon premier... c'est l'époque où des choses qui n'existaient pas avant ont commencé à exister, c'est-à-dire la vidéo... Je ne veux pas dire que la vidéo n'existait pas avant 89, mais ça commençait à être répandu assez pour qu'on puisse avoir un démo en vidéo des producteurs et des agents qui me connaissaient puissent les donner à des producteurs de shows de variété. Alors, c'est ce qui a fait que les gens ont pu, à l'autre bout du monde, voir un petit numéro d'un gars qui vient du Canada. Et on aime ça, on le fait venir, c'est tout. Okay. Alors, j'ai mon premier engagement solo, ça a été à Tokyo. Et mon deuxième, ça a été à Santiago, au Chili. Et ensuite, dans les mois qui ont suivi, je suis allé à Paris, à Amsterdam. J'allais beaucoup d'aller-retour. La plupart du temps, c'était un voyage, faire un petit numéro de 15 minutes, des fois même 4-5 minutes pour la télévision, et revenir chez nous. Okay, ça, c'est ton agent qui s'occupait de ça? C'était plusieurs agents, un à Paris, d'autres sur d'autres territoires, qui me bookaient, comme on dit dans le métier, qui envoyaient mes vidéos à des gens, des acheteurs potentiels. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, c'était des gens qui produisaient des shows de variété. Okay. Voilà. Tommy, ça te tenterait-tu de faire 70% en japonais, par exemple? On a juste à apprendre les textes par cœur, puis... Allez, Yawashino. Oui, c'est ça. Yawashino, hein, c'est ouais, bon. On avance. Hey, mais j'ai ici, en fait, t'as parlé du fait que ton premier spectacle solo au Japon, j'ai pogné sur un site internet encore une fois, 60% des foyers japonais qui ont regardé Michel Lozière un soir de premier... C'était justement la première apparition que j'ai faite. C'était pas mon premier spectacle comme tel, mais c'était ma première apparition télé, qui était quand même 7-8 minutes, dans laquelle j'accompagnais, je faisais un duo avec une vedette de là-bas, dont moi j'avais jamais entendu parler, évidemment, mais lui, c'était là-bas l'équivalent d'un Yvon Deschamps à l'époque. Là, c'était vraiment la vedette, quelqu'un de très connu, et on faisait un duo ensemble. 60% des foyers nippons t'ont vu à la télévision. 60% de l'auditoire potentiel. Bon, donc, sur 120 c'est millions, fort, ça fait manquait tout le monde juste 10 points de pourcentage. Et ça fait le chiffre parfait. Excellent. Mais à partir de là, justement, il y a eu plusieurs invitations à retourner à Tokyo, à Toyohashi, puis à plusieurs. Mais la plupart du temps, c'était Tokyo, parce que la plupart du temps, c'était également des télévisions. OK. Et quand on parle du spectacle un peu plus long que j'ai fait en 2003-2004, c'était à Shizuoka. Qui est une très belle ville, pas loin Fujiyama. les gens, c'est quelqu'un qui dirait le mont Fujiyama, c'est un pléonasme, parce que Yama, ça veut dire montagne. Alors, le mont Fuji, c'est Fujiyama. Okay. Le mont Fuji ou bien Fujiyama. Ah, OK. Comme dire le dollar américain US. C'est faire du nudisme tout nu. C'est un pléonasme. Ouais, OK. Excellent. Mais c'est bon à savoir. Ben, certain que c'est bon à savoir. On a quelqu'un qui est allé live là-bas, puis nous a ramené de la bonne information à 70%. Sinon, Simon-Pierre, est-ce que tu as la petite bio ou des questions, quelque chose? Ben là, on est en train de la faire tranquillement. Écoute, Michel, moi, on voit sur ton site, dans la biographie, ça dit que tu es humoriste, inventeur, musicien, acrobate, comédien, caricaturiste, peintre et auteur, dans l'ordre ou dans le désordre. Je sais pas s'il y a un ordre croissant ou décroissant, peu importe, mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as inventé? Qu'est-ce que j'ai inventé? J'ai inventé un petit... pas un petit bateau, mais une petite... comment c'est? C'est entre un canot et puis un flotteur de piscine. C'est quelque chose avec des rames sur lesquelles on peut s'asseoir et on peut également s'étendre. Et donc, lorsqu'on s'étend, on peut avancer avec les rames. Et lorsqu'on s'assoit, ça fait comme un fauteuil. On relaxe et on tient quand même, on flotte dans l'eau. Alors, ça, c'est la seule vraie invention que j'ai. Mais quand on dit inventeur, c'est avec un petit « i ». Parce que ce que j'ai inventé, c'est mes numéros. c'est que j'invente des manières nouvelles, des instruments nouveaux pour faire quelque chose de d'amusant. Ce sont pas des vrais instruments qui vont être joués par ben du monde dans le futur. Je suis bien conscient de ça. Là. Surtout les espèces de klaxons. Ouais, exactement, c'est ça. Mais je me demandais justement en voyant les photos sur le site web, des photos où on doit faire plusieurs numéros. Comment ça germe une idée comme ça? Comment est-ce que tu t'es dit quand t'es allé aux États-Unis à l'émission là, faire le jouer la symphonie là, avec en rollerblade, avec les bouteilles, avec les bouteilles d'eau. Mm-hmm. Comment ça a germé ça? Celle-là, je l'avais pensé il y a bien des années, puis ça a resté sur mes tablettes longtemps. Je me souviens d'avoir juste la première expérience que j'ai fait avec ça, c'était justement dans une émission de télévision où je faisais plusieurs petites apparitions rapides dans une émission. Donc j'étais comme un running gag. Et à la fin du spectacle ou de l'émission de télé, on voulait une petite conclusion. Alors j'avais amené 7 bouteilles que j'avais emplies d'eau juste correcte pour faire certaines notes. C'était pam pam pam pam pam pam pam, juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, voilà. C'est ça, 7 bouteilles, et j'avais mes petits patins à roulettes, puis c'était vraiment pas grand, le studio, donc je faisais juste ça, pour terminer l'affaire, juste pour un petit flash. Alors, je trouvais ça intéressant. C'est sûr que si ça reste là, c'est cute, puis c'est pas vraiment, ça n'a pas d'impact, d'ailleurs, ça n'en a pas eu. J'ai même pas pensé de le refaire pendant à peu près 15 ans. Et quand ça m'est venu l'idée de faire un DVD où j'aurais des choses visuelles que je présenterais aux gens, que je montrerais également comment je prépare mes patentes à gosse. C'est là que j'ai dit, ah, ça, c'est une idée que je peux pas faire sur scène, mais qui serait bonne dans un DVD. Alors, j'ai commencé à penser qu'est-ce que je pourrais jouer avec ça. C'est sûr que je voulais pas jouer quelque chose de nono comme gna gna gna gna gna gna gna. Je dis, pour que ça, c'est tellement nono d'avance, de voir des bouteilles puis c'est quelque chose de complètement inhabituel. Donc, je me suis dit, pour que le contraste soit le meilleur possible, faudrait que ce soit quelque chose de classique, quelque chose de très connu, quelque chose de noble, mettons. Donc, quelle tune je pourrais bien jouer? Ben, j'aimais beaucoup le premier mouvement de la 40e symphonie de Mozart, dont je connaissais même pas le nom. Je connaissais bien. Donc, je dis, OK, combien de bouteilles ça me prendrait? C'est bien. Je trouve que c'est bien adapté parce que ça commence tranquillement. Et tout à coup, ça se complique. Ça devient plus rapide. Il y a plus de bouteilles. Donc, OK, c'est parfait. Donc, j'ai fait tout ça. Ça m'a pris 2 semaines pour accorder ces bouteilles-là. Je faisais ça à temps perdu. C'était l'été. J'étais assez relax. Et puis, j'allais dans mon atelier de temps en temps. Puis, de temps en temps aussi, j'allais dans le bac à récupération parce que je me suis retrouvé même à aller chercher ça prenait des bouteilles vides, hein? Bien oui. Plus que je pouvais en caler moi-même. J'en ai utilisé finalement 284, mais j'en ai essayé au moins 500. Parce que c'est pas toutes les bouteilles vides qu'on prend dans le bac à récupération qui sonnent bien. Il y en a qui sonnent mieux que d'autres. Puis donc, je vais les tester. Puis je vais dire, oui. J'ai une question. Est-ce qu'il y a une sorte de bouteille meilleure qu'une autre, peut-être pour un Michel Lausière en herbe qui nous écoute? Il y a certaines bouteilles qui sont meilleures pour certaines notes plus élevées. J'ai remarqué qu'en général, les bouteilles de forme typique des vins Bourgogne, qui sont un peu comme des bouteilles sans épaules. Alors que les Bordeaux, les typiques de Bordeaux, sont plus des bouteilles que moi j'appelle avec des épaules. Là. On a le goulot, puis on a une courbe abrupte qui va vers le bas. C'est dur à décrire, une bouteille à la radio. Et puis ceux-là, par exemple, les bouteilles type Bourgogne, bouteilles pas d'épaule, sont meilleures pour les sons plus hauts, parce qu'en général, elles sont plus épaisses. Le verre est un peu plus épais. Et puis, voilà. Excellent, merci. Et d'ailleurs, il y a un petit garçon de 9 ans qui m'a appelé la semaine dernière, qui faisait un projet, un enfant des petits chanteurs du Mont-Royal. OK. Et il fait un projet en collaboration avec une école polytechnique. Alors, il voulait se faire un xylophone avec des bouteilles, puis là, il m'a appelé, puis sa directrice de projet, une dame des... En tout cas, c'est toute une affaire. J'ai joué avec lui pendant 5-10 minutes au téléphone, puis là, la madame était tellement contente. Ben là, c'est l'expert québécois en jouage. J'explique en gros les principes de la chose. C'est pas bon. Ça va prendre plusieurs bouteilles de Bourgogne, mon grand. Oui, c'est ça. C'est pour ça que la madame était contente. Elle a dit, ça va lui donner une bonne excuse pour acheter des bouteilles en masse. Oh, peut-être. On parlait de numéros, comment ça germe, ces idées-là. Donc, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu à la question. Comment ça germe? J'ai pas répondu. N'importe comment, on le sait pas. Et si je le savais, j'aimerais ça le savoir parce que j'appliquerais la recette. OK. Puis la fois que tu as pensé à rentrer dans une balloune, est-ce que c'est suite au visionnement du film The Blob? Ah, C'était quoi, de blob? C'était une grosse motte rouge qui transformait tout le monde, qui absorbait tout le monde. J'avais vu ça. Non, c'était pas ça, mais je sais pas si vous vous rappelez d'avoir vu une série Le Prisonnier. C'était bon, ça. J'étais pas sûr si vous connaissiez ça. Ben oui, c'est bon. Ça a été une série culte. En tout cas, à mon époque, ça jouait à Twistman, cette affaire-là, Le Prisonnier, le numéro 6, c'était quelque chose. Comment ça qu'il a cliqué là-dessus? Peut-être que le subconscient avait enregistré quelque chose du numéro 6. Ouais, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Oh, pourquoi? Parce que le numéro 6 allait dans une bulle dans Le Prisonnier? Non, c'est parce que dans le prisonnier, il y avait, lorsque les gens qui étaient au village, ça s'appelait le village, essayaient de s'en aller, il y avait toutes sortes de manières de les ramener, puis entre autres, il y avait comme une bulle un peu diaphane, de couleur incolore, qui s'en venait, qui rebondissait et qui venait étouffer plus ou moins la personne qui essayait de s'en aller. Ils l'ont fait dans les Simpsons une couple de fois. Tout à fait. Ah ouais, ouais, ouais, ouais. Ben, le gars là-dedans, c'était un agent secret qui remettait sa démission. Lui, il était au service de Sa Majesté, n'est-ce pas, la reine? C'était en Angleterre. Ben oui, notre reine. Puis, il se fait kidnapper, il ne sait pas trop ce qui se passe, il se réveille à un moment donné, puis il est sur cette île-là, dans le village, puis il veut sortir à tout prix. On peut comprendre. Et comment vous connaissez ça, cette émission-là, vous autres? Télé-Québec et mon papa. Ah, wow! Ah, OK, c'est intéressant. Parce que c'est pas quelque chose qui est évident, parce que justement, je remarque que tu l'expliques, parce que tu es conscient que beaucoup de gens, peut-être, n'ont jamais entendu parler du village et de l'émission Le Prisonnier. Oui. Ben, écoutez, messieurs, on vient de parler pendant une vingtaine. Je pense que lancer Farewell to Nova Scotia, c'est une chanson des Pogues. On va revenir parler des vraies affaires à 70% après. Merci, Michel. Très sympathique. Oh, farewell, Nova Scotia, the sea down goes, let your mountains dark and may I be. Oh, and I am far away on the rainy ocean top, will you ever heave a sigh or a wish for me? The sun was setting in the west, a birch was singing on every tree. The sea-bound coast, the charm mountains dark, and where I be. Oh, when I am far away and the raving ocean tossed, will you ever heave a sigh or a wish for me? Here we go. Well, I grieve to leave my native home. I grieve to leave my comrades all, and my parents whom I love so dear, and the bonny, bonny lass that I do adore. So farewell to Nova Scotia, the sea-bound coast, with your mountains dark and rare I be. Oh, when I am far away and the rainy ocean toss, a sigh or a wish for me. When drums do beat, the wars do alarm, my captain calls, I must obey. Pay thee well, the Nova Scotia's chant. It's early in the morning and I'm bound far away. So farewell the Nova Scotia, the sea-bound coast, the charmed mountains dark and the where I be. Et voilà, on est de retour en onde. En fait, je voulais vous parler au plus vite d'un film extrêmement douteux. Quelle est la marre de la semaine, Tommy? La marre de la semaine, bien sûr, c'est Kuba, avec l'excellent, j'étudie qu'il était excellent, le très visqueux Léo Fong. Léo Fong, bien sûr, qui joue non seulement le rôle du héros Joe... Voyons, c'est quoi son nom? C'est Joe Fong. Léo Fong joue donc le rôle de Joe Fong. Et puis, il sert aussi de scénariste, réalisateur, monteur, metteur en scène et tout et tout. Donc, sur le dessus, il est écrit « L'arme la plus mortelle demeure vos poings ». Le film, c'est Kuba. Donc, c'est low blow, hein, en anglais, c'est low ça? Blow, oui, oui. C'est ça, low blow, ça, ça sonne bien. Hein, ne pas confondre avec low blow qui a vu ses profits fondre de 238 millions de dollars depuis... Ah non, excusez, je laisse aller. Ah non, mais j'aime ça, moi, quand tu fais des parenthèses comme ça. Donc, pour l'instant... Rendu qu'il ferme. Ouais, hein? C'est ça. La parenthèse, c'est non pas que ça. OK, je reviens ma cassette. Je vais vous lire ça vite, vite, avant qu'on continue avec des super questions à notre ami Michel Lausière. Ceux qui jouent fair play, trois petits points, perdent la partie. Léo Fong, un expert en arts martiaux au point dévastateur, tient la vedette de ce suspense d'action. Entouré de Troy Donahue, très mauvais Troy Donahue qui a fait plein de films très mauvais, Cameron Mitchell, très mauvais Cameron Mitchell qui a fait plein de films très mauvais, et Akosua Buzua. Elle, c'est une madame qui était dans le film La couleur pourpre de Steven Spielberg, je pense, dans les années 80. Elle a perdu des niveaux, oui. Donc, bien sûr, notre ami Léo Fong mettra les rues de San Francisco à feu et à sang. Un richissime homme d'affaires veut tirer sa fille des griffes d'une dangereuse secte et un seul homme peut relever ce défi. C'est Joe Fong. En un clin d'œil, Fong réunit une équipe de mercenaires et de guerriers urbains prêts à tenir tête aux plus déments des membres de la secte. Tous les coups sont permis, surtout les coups. Excellent! Ah, ben là, ce que je vais faire, c'est partir un petit peu d'extrait, puis on va poser des questions juste après. Je garde les micros ouverts si jamais vous avez envie de vous vider le cœur. Elle voit Fong? C'est excellent! Ah non, ça c'est les, la cassette c'est d'extrait de tête. Ouais, ouais, ouais. Voyons, c'est pas ma journée de technicien. Tu vas te tenir tranquille ou je vais te remplir ta sale gueule de plomb. Et je pense que... Hey, c'est quoi, est-ce que mon sandwich est prêt? Assieds-toi. Allez, vas-y, vite. Tiens-toi tranquille. Toi, c'est pas standard, quand même. Personne debout, je ramasse tout l'argent que tu trouves. Je tire dans le tas si quelqu'un bouge. Ok, voilà mon argent. Il a demandé son argent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hey, ah, ouais. Annule mon sandwich. Ah ouais, annule mon sandwich. En fait, c'est que M. Fong rentre dans le restaurant puis il fait semblant d'avoir besoin d'un sandwich parce qu'il avait vu qu'il y avait un vol armé. Et puis là, il rentre et il dit « Ok, je vous donne mon argent, mais il sort un fusil! » Puis il tue tout le monde. Et voilà. Donc, on va écouter cette pète. Oh non, non, ça, c'est celle que je vous gardais pour tantôt, d'ailleurs. Ok, Simon, question à notre invité préféré. Oui! Est-ce que tu t'ennuies des expos? Non. J'ai Yuppie. Jamais été un amateur de baseball, disons, passif. Ben, je veux pas dire que tous ceux qui sont des amateurs de... sont moi, rarement j'aimais actifs. Ça, j'aimais ça, jouer au baseball quand j'étais jeune. Ouais. Mais après ça, j'ai pas poursuivi ma carrière de spectateur de baseball. OK. C'est lequel ton numéro que tu trouves le plus hardcore? Hardcore? Tout dépendant du de la définition que tu donnes à ce concept. Ben là, je pense pas que j'en ai des numéros hardcore, justement. C'est pour ça que ce que je fais il s'adapte à peu près partout. Puis, moi, c'est ça. Vrai que la guitare, puis le... Quand tu parles de hardcore, là, toi, qu'est-ce que tu entends par là? Moi, le hardcore... Heavy affaire. Ah, OK. Je pense que ça va rapport un peu pornographique. Non, OK, non, d'accord. Non, heavy non, à performer. peut-être que le klaxon, il est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de coordination pour okay. faire des contorsions qui vont faire des accords musicaux. Je pense que puis celui de la tête là, celui où je fais le l'homme orchestre là, ouais. C'en est deux qui sont assez physiques, qui sont assez précis également. Okay. Parce qu'il faut jouer de la guitare dans le cas de ouais. l'homme orchestre, faut jouer de la guitare, faut s'occuper du bass drum au pied droit, du snare drum au pied gauche, et puis des baguettes chaque bord de la tête, la cymbale en haut, et puis de se faire aller à la tête sans trop ouais. se brasser le cerveau. Combien de temps ça prend pour préparer à faire? Chacun est différent là, ouais. chaque numéro, mais il y a certains numéros comme le klaxon, lui, ça m'a pris une bonne année quasiment avant de le maîtriser assez pour le faire comme faut sur scène. Ouais, ouais. Oh boy, hein? C'est celui qui a été le plus long. Et puis, question ouais. comme ça, moi je me rappelle dans Les Aventuriers du Timbre Perdu, il y en a un homme orchestre. Est-ce que c'est Michel Lausière? Dans Les Aventuriers du Timbre Perdu. Ouais, ouais, c'est un vieux film québécois là, des années 80, fin 80. Mais les hommes orchestres que j'avais vus, moi, jusqu'à ce que je fasse le mien, c'était toujours un peu le même principe. C'est quelqu'un qui a une grosse caisse dans le dos. Hein, OK, comme, oui. Moi, et puis il y a des petits des fils accrochés au talon pour pour actionner le boom. Et puis il y a aussi une cymbale ou un. Et moi, je voulais évidemment pas faire ça. Si je fais un homme orchestre, il faut que ce soit complètement nouveau. Et voilà. Alors c'est ça que j'ai essayé de faire. Puis ça a l'air que ça marche parce qu'ils m'ont demandé d'aller le faire à plusieurs endroits. Et puis ça a toujours été apprécié. Mais si c'était de refaire la même routine standard du vaudeville. J'aime mieux que les autres le fassent parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. À quel âge tu as commencé à faire de la scène? À 14-15. Ah oui? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait que j'avais commencé à faire de la jonglerie puis de l'acrobatie avec le gars qui est devenu mon partenaire de Foubraque, Jean Roy. Okay. Lui était un peu plus âgé que moi, il l'est encore d'ailleurs. Et puis à cette époque-là, ça paraît plus parce que moi, quand j'avais rencontré ce gars-là, j'avais 13 ans. Ouais. Alors quand tu es avec quelqu'un qui a 13 ans de plus vieux que toi, puis tu as 13 ans, il a 26-27 ans, alors là, ça paraît beaucoup. Oui. Mais quand on a commencé à travailler plus sérieusement ensemble, j'étais un jeune adulte, donc ça paraissait moins. Mais c'est comme ça. C'est le fait que j'ai appris à jongler, que j'ai appris à faire de l'acrobatie, puis ça m'intéresse. Puis que le fait aussi que je sois pas assez bon pour faire ça sérieusement, parce que tu sais, si tu essaies de devenir le meilleur jongleur au monde, tu as des croûtes à manger. Alors que si tu fais des trucs et que tu rends ça comique, à ce moment-là, là, tu viens de... C'est comme un passeport. C'est un créneau. C'est un créneau. La comédie, ça te permet de faire quelque chose sans être vraiment bon et de passer. Mmh. Alors, c'est pour ça que je suis devenu un jongleur comique, un acrobate comique. Et c'est comme ça que j'ai commencé en faisant des concours d'amateurs. Ouais, il n'y en a pas beaucoup de jongleurs qui ont été à Buenos Aires, à Santiago, à Tokyo... Et... 45 pays différents. Il y en a, mais c'est sûr, quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Comme tu dis, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns dans le monde qui font. Puis quand tu fais juste jongler, habituellement, ton travail ne t'amène pas à apprendre d'autres langues, de toute façon. Oui, j'avoue. À moins que ça t'intéresse. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir l'opportunité d'apprendre des mots dans une langue, puis ils ne l'apprennent pas. En effet. Hein? Des gens qui vivent au Québec depuis 22 ans, puis ils ont de la difficulté à dire oui, non. Mm. Ça existe? On en connaît. Oui. Oui, ça existe. On en connaît. Michel, est-ce que tu as envie de nous parler de ton livre? Dictionnaire qui est sorti? Pas du tout? Oui, ça me tente d'en parler. Écoute, je suis venu pour ça. Allons-y. Et ça a commencé justement parce que j'étais un peu tanné d'avoir certaines idées qui avaient rapport avec le verbe, qui avaient rapport avec la parole, qui avaient rapport avec quelque chose qui se dit ou qui s'écrit, et de pas pouvoir les utiliser. Parce que la plupart du temps, dans certains cas, je pouvais utiliser des gags dans mes numéros visuels musicaux parce que j'en ai un petit peu pour épicer les performances, mais il y a beaucoup de choses que j'utilisais pas. Alors, j'ai commencé à les noter, des définitions cocasses, des choses de même, ou des proverbes, des faux proverbes. Okay. Et puis, à la longue, j'ai fini par en avoir beaucoup. Puis, j'ai dit, bon, mais ça serait peut-être le fun de mettre ça en livre, mais je savais pas comment. Je savais pas comment les classer. À un moment donné, je suis allé par sujet, je commençais à parler de telle chose, et je parlais à peu près de tout. Mais j'ai essayé de faire une suite logique là-dedans, mais j'ai pas réussi. Alors, j'ai dit, bon, pourquoi pas transformer ça en définition? Et, dans ce moment-là, le classement devient tout à fait facile. C'est l'ordre alphabétique de A à Z, tout simplement. Tommy, as-tu des petits exemples entre tes mains en ce moment que tu pourrais nous lire? Ben, je cherchais, en fait, parole ou parler, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, et finalement, ben, j'ai trouvé partouze. Partie de plaisir axée sur le plaisir des parties. Malheureusement, tous les mots figurent pas à ce dictionnaire-là. Ah ben non, il y en a à peu près 500, alors qu'il y aura peut-être place pour une suite. Mais, Hardcore, es-tu là-dedans? On pourrait avoir partouze. Ben, je vais aller chercher ça. Après, non, là, non, mais encore, j'ai paix. La paix qui est la toute première victime de chaque guerre. C'est excellent. Il y en a qui sont moins drôles. Hein? Hardcore. Comme t'as remarqué. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont comme plus un petit peu philosophiques, mais je ne veux pas que ça devienne ronflant. Il y en a qui sont un peu plus poétiques, pis, donc cute. Mm-hmm. Puis il y en a qui sont plus des choses, tu sais, haha. T'as préféré? Moi, je pense que c'est jaloux. Jaloux, attendez, c'est la mienne, je suis juste à côté. Parce qu'elle est très courte. Elle est très courte et elle est efficace. Hein, ouais, donc. Jaloux, 2 points, adjectif possessif. Ah, c'est pour ça que c'est une de mes préférées, parce que je trouve qu'elle est, elle est simple, elle est très simple. Oui, on appelle ça simple. Un apophthegme. Un apophthegme, mais je suis content d'avoir appris. Un apophthegme, c'est quoi? C'est une pensée qui va droit au but, qui est concise. Et rapide. Veux-tu me le répéter, s'il te plaît? Je vais le prendre en note. Apophthegme. Apophthegme, d'accord. Apophthegme. Voilà. Merci. Et puis, Michel, si je te parle, le 23 mars prochain, ça évoque quoi? Qu'est-ce qu'il y a le 23? Ah, ça va être un spectacle que je fais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mauvaise réponse. Crosby joue contre le Canadien de Montréal. Ben non, c'est un gros party chez nous pour ma fête, parce que ma fête, c'est le 23 mars. Toi, ta fête, c'est le 23, moi, c'est le 26. Hein? Ben oui. Ah, oh, boy. Ben, joyeuse fête. Ben, même chose. Hein? Ça, on tombe presque de ça en même temps. Uh-huh. Excellent. Mais si tu veux venir après ton spectacle à Richelieu. C'est où? Saint-Jean. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean. Je sais pas vraiment où. Là, le théâtre des deux rives, en fait. Ah oui, celui-là. Ben oui, je l'ai certain. Ça me dit de quoi, là? Oui, puis si les gens sont intéressés, on les invite à aller au michellelozière.ca.com ou .ca? C'est michellelozière.com. .com. Oui, excusez. Et voilà. Et voilà. Est-ce qu'on est rendu au moment de la journée où je fais une petite nouvelle pendant que je trouve ma toune? Tu veux une petite nouvelle? Oui. Eh bien, oui, tout à fait. Le Centre québécois d'inspection des aliments et de santé animale mène actuellement une enquête sur un incident dont aurait été victime un client d'un restaurant chinois à Trois-Rivières. Un client de Day Boy? C'est une petite nouvelle, ça. C'est tout. OK, excellent. Ben moi, je vais mettre comme toune douteuse de la journée, je vais mettre une chanson de Blind Melon. Vous allez voir, d'habitude, j'aime beaucoup ça, Blind Melon. Okay. C'est une chanson qui vogue sur l'entre douteux, kitsch, inutile, vraiment excellent. Et puis, ben c'est ça, ce qui est bizarre, c'est de réaliser que celui qui a composé la toune et qui la chante, qui s'appelle Richard Shannon Hoon, est décédé d'une overdose de cocaïne en 1995. C'est pas Hoon, son vrai nom, c'est Yacht. C'est Young. Young? Ah non, Fong. Fong? Ah, Léo Fong. Joe Fong, oui, ben oui. Et donc, vous allez voir, c'est une chanson qui a été écrite environ 200 jours avant que le monsieur susmentionné se suicide. Donc, on va revenir avec 70%, c'est ça, hein? On est-tu là? Oui, c'est tout à fait. Excellent. Fait qu'on écoute Blind Melon, 3 is a magic number. Magic number, yeah it is, it's the magic number, somewhere in that ancient mystic trinity, you'll get three, it's the magic number, in the past and the present and the future, faith and hope and charity, in the heart and the brain and the body, you'll give you three. To make a tripod or to make a table stand, and it takes three wheels to make a vehicle called the tricycle. Yeah. And every triangle has three corners, every triangle has three sides. No more, no less. You won't have to guess. Now there's three. Once more. I'm sick. très, très, très viril. Je vais allumer les micros de mes amis. Ici, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va écouter une excellente séquence qui vient, bien sûr, de Cuba. Essayez de vous faire brainwasher par le speech de la fille, c'est pas facile. C'est la boss de la secte méchante qui a kidnappé. C'est pas facile. Essayez, essayez. Soyez complètement relax. Ne pensez à rien. Laissez votre esprit percevoir la vérité comme seulement Yarakunda la connaît. Ouvrez-vous. Recevez. Soyez complètement relax. Éliminez tous vos souvenirs, quels qu'ils soient, même s'ils sont doux. Oubliez. Oubliez. Seulement la vérité le personnage de Yarakunda. La vérité de Yarakunda peut vous donner bla bla bla. Donc vous êtes maintenant brainwashed sur 70%. Yarakunda. Michel Lausière, comme chacun de nos invités, tu nous as amené de l'audio un petit peu particulier. Là, je vais peser play sur la cassette que tu nous as amené. Tu es le premier des centaines d'invités qu'on a eu qui amène une cassette. OK. Parle-moi-en un petit peu. Ça, les cassettes, tu parles de les cassettes, ça existait avant non, que tu sois au monde. Celle que t'as amené. Ah, tu parles de la tu parles du l'extrait. L'extrait, ben, oui. C'est une chanson qui ce sont les Beatles qui ont fait un concert live parmi leurs derniers concerts live et c'était plus audible tellement que ça criait. Alors on présentait les Beatles, tout ce qu'on entendait, c'est des petites filles qui criaient comme des malades. Ah! The Beatles! Oh boy. Ça, oh boy. Ça, c'est une cassette officielle originale, là. Ça s'appelle The Beatles at the Hollywood Bowl. Oui. Inaudible. Ah oui, absolument. Il arrête pas. Le public arrête pas, jamais. Non, jamais. Pendant tout le concert, il arrête pas. Là, là, on parle d'une... C'est commandité par Vix. Hey, c'est... Même toi, la voix qui avait les écrits en fait. Ah, c'est débile. Ben, c'est comme je l'ai dit tantôt en ronde, les Beatles étaient souvent obligés d'arrêter leur spectacle parce que Ringo n'était plus capable d'entendre le bruit de son propre drum. Il paraît qu'il était meilleur dans ce temps-là. Ouais, peut-être. Non. Il avait une bonne oreille. Excellent. Hey, mais sinon, tu m'as parlé des Raspberries avant qu'on vienne en nombre. Oui, les Raspberries, c'est un groupe que je connaissais pas du tout avant d'entendre une de leurs chansons qui s'appelle Please Go All the Way. Et puis, c'est une toune que j'écoutais, moi, en partant, quand j'étais obligé de me lever très, très tôt le matin, juste me mettre sur la route, là, à 4h du matin, sur la route, là, j'écoutais ça. Please go all the way. Ma petite valeur, je l'ai pas ici, Calvados. Ben, voilà. Il va falloir que tu reviennes. Ouais, oui, il va falloir que je revienne. C'est ça, il va falloir que je revienne. Parlant de raspberries, est-ce que tu connais les Razzies? Non. Ici, nous, on fait l'apologie du mauvais, évidemment, là, mis à part les invités qui sont tous... J'allais dire. Non, inquiète-toi pas pour ça. On a eu de très bons invités qui font partie de cette veine-là. Donc, les Razzies, c'est eux, ça se passe en même temps que les Oscars, ou à peu près, puis ils remettent des prix au pire film. Pour la mauvaiseté. Cette année, c'est Sharon Stone, la grande gagnante, avec Basic Instinct 2. Et puis, elle ne s'est pas présentée pour aller chercher tout ça. Il y a également le film Little Man. C'est ça, tu en as parlé dernièrement. Oui, j'en ai parlé dernièrement. Mais un gros bravo à Halle Berry, qui a gagné le Razzies, puis qui s'est présenté pour aller chercher son prix. Ben ça, ça prend du... Hein? Bon sens de la vérité. Ça prend une paire de couilles, ça. Oui, absolument. Oui, vraiment, là, t'es allé faire rire d'elle et c'était ce qui était pour arriver, là. Ben, c'est un bon sens de l'humour, j'aime bien. C'est ça. Faut être capable de dérisionner sur soi-même. Je sais pas si ça se dit, là, mais c'est tellement vrai. Je viens de le dire. C'est ça. Ça a même pas fait mal, en plus. Michel, je sais pas si on est dans l'ordre chronologique des choses qui doivent être faites. Je t'avais demandé de préparer là, quelque chose sur ton personnage de bande dessinée favori? Ben moi, vous tombez dans mes cordes parce que j'ai été, avant de faire de la scène, et plutôt en parallèle, au début, je faisais de la caricature et de la bande dessinée. Okay. Et voilà. Et mon personnage préféré, c'est Tintin dans Astérix. dans Astérix. C'est bon, hein, je connais ça. C'est hein. Popé. Okay. Mais un, non, en réalité, un des personnages que j'ai beaucoup apprécié, c'est Philémon. Qui était bravo. Dessiné par Fred. Ben, je vais appeler mon fils comme ça, tellement j'aime ça, cette BD-là. Fred, là, c'est un vrai fou, là. Ben, je veux dire, un beau fou, qui a fait un personnage qui voyage sur le A de, l'océan Atlantique, par okay. exemple. T'sais, il arrive sur une île qui est en forme de A. Ben, c'est le A qu'on voit sur la, okay. la map monde. Et puis, c'est vraiment fantaisiste. Et puis, c'est quelque chose qui est... C'est pas un humour à gag. C'est quelque chose d'assez vraiment très imaginatif. Mm-hmm. Et puis, c'était un que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, ah, okay. vraiment. Philémon. Il y a Arthur Imbeau qui a. Voyons, un bateau dans une bouteille qui avance juste quand que Arthur Imbeau. Ben oui, je les ai lus 20 fois. Okay. Je vais appeler mon fils Philémon tellement j'ai aimé ça, cette bande dessinée-là. Okay. Vraiment pour vrai. Là. Ouais. Ah, moi, c'est quand, bon au début, j'avais pas cliqué. Je pensais à la petite personnage qui ressemble à Mafalda, là, Philomène. Ah oui. C'est pas la même chose. Non. Philomène, c'était mon premier héros de bande dessinée. Pour c'est ce que je lisais dans La Patrie tous les matins. Philomène, absolument. Moi, j'adorais Candide. Cute. Oh. Ouais, puis Marmaduke qui était bon. Hey, pendant que on va juste prendre une petite pause, on va aller écouter la pendant 3 secondes là, oui. la tape des Beatles qui nous signe en background depuis tantôt. Ah, pas et voilà. Là, je veux dire, je connais les Beatles pas mal par cœur, là, puis... J'en ai une caisse de ça, de les cassettes, là, tout à l'heure, j'avais emmené tout, j'ai un attaché case, là, une valise, calebasse, pleine, j'en ai au moins, juste des Beatles, j'en ai au moins 80, donc je les ai à peu près toutes, donc, dont une pièce de She Loves You en allemand. C'est les déchiers! Oui, mais ils ont commencé en allemand, eux autres. Oui, mais les enregistrements en allemand, j'en ai entendu seulement qu'un, c'était She Loves You. Ah, ouais, mais j'aurais dû l'amener, ça aussi. Hein? Je serais capable de t'en trouver d'autres. Je pense que j'en ai chez moi parce que j'ai eu des cours d'allemand au cégep okay. dans lesquels on a étudié beaucoup les tonnes des Beatles. Ah, ben c'est le fun. Voilà. Je te félicite. Ben merci, Michel. Moi aussi, j'ai rencontré des bons mentors quand j'étais jeune. Des menteurs ou des mentors? Mentors, voyons donc. Et puis sinon, Jean Roy, Monsieur Roy, est-ce que tu le vois encore souvent? Est-ce qu'il y a un projet de réunion des Foubraques? Non, on s'est pas revu depuis le dernier spectacle des Fous Braques le 21 décembre 1988. Ah ouais? Ça fait une éternité. De toute façon, on avait tout réglé les choses qu'on avait à régler. Ça avait été fait d'avance. Et puis, moi, j'ai changé on a changé de région tous les deux. Puis, on s'est jamais croisés. Voilà. Et puis, le monsieur, lui, il a lâché le domaine du spectacle. Je sais pas. Je pourrais pas parler à sa place. J'en ai aucune ça, idée. Ça, c'est officiel, oui. J'en ai aucune idée. Tiens, je vais aller chercher se mêler de ses affaires dans le dictionnaire. Se mêler de ses affaires. Oh, oui. V, c'est un W qui est resté célibataire. Excellent. Ouais. Ben, qu'est-ce qui était le défi là-dedans? C'est que l'éditeur m'a demandé de faire une définition pour chaque lettre. Et là, quand tu dis prends le A, prends le B, prends le C, puis trouve des lettres, des définitions pour les lettres. Là. Et on va voir dans B. Je vais voir vers B. La lettre B, c'est quoi? La lettre B, ça c'est C. C'est la lettre magasin. Et voilà, B, lettre qui s'est distinguée au cinéma en désignant les films qui ne se sont pas distingués au cinéma. Excellent. Fong, Kuba. Kuba. Ça ressemble à ça. Excellent. Une petite question, mon Simon. Oh mon Dieu, c'est une question en développement. Je vais te demander ta recette favorite. On a-tu le temps? Recette favorite? J'en ai. Hey, le pâté chinois. Oh, que j'aime ça. Pour j'en vrai? Mange quasiment jamais. C'est j'adore bon. Tu mets-tu ça. Des champignons dedans? Non, c'est celui... Ah non, moi, je le fais pas personnellement, mais il est bon, celui que Suzanne m'accompagne depuis 20 ans. Son pâté chinois était cœur. Okay. Oh, mais entre autres, ben, j'ai plein de recettes préférées. Moi, je suis comme une poubelle, moi. C'est une poubelle avec des comment des papiers Cookie gustatives. Monster? Non, comment ça s'appelle? Oui, Cookie Monster. Oui. J'aime tout. C'est pas compliqué, moi. C'est bon. Comme hier, j'ai mangé des fajitas. Je trouve ça fantastique. Avec ou sans ketchup, le pâté chinois? Non, pas de ketchup. C'est une hérésie. Hein? Moi, je considère ça comme étant une hérésie. Personnellement. Ah, ouais. Oui. Les gens qui prennent ça, c'est au bûcher tout de suite. Ouais. D'ailleurs, tu dis ketchup, ça me fait penser. C'est comme les roues, les gauchers. Oui, c'est ça. Ça mérite tout de brûler. Pas avec ça. Hey, mais je me suis pondu une petite question. Je me trouvais super drôle tantôt. Là. OK, tu l'as trouvé drôle, ta question? Oui, je l'ai trouvé super drôle. J'espère que la réponse sera à la hauteur. Là, je parle avec quelqu'un qui est dans le monde du spectacle depuis longtemps, qui a roulé sa bosse dans 45 pays, qui parle couramment 4 langues et puis une fois de temps en temps et de façon plus ciblée 6. Pourquoi, Michel Lauzière, est-ce que Bowser a jamais fait construire un mur trop haut pour que Mario puisse sauter par-dessus en avant de son château? Ça, tu parles d'un jeu vidéo, là? Ben oui. J'y connais rien. Ah, je suis complètement... Je pensais tomber sur un puits de sagesse. Ah non, non, je viens de tomber sur un puits ordinaire, un puits d'or. Un puits d'or d'ignorance dans le domaine du Mario. Oh, ouais, ben c'est correct, ça se guérit encore. Simon, une question, une nouvelle, quelque chose? Bon, ben j'ai les manchettes vite. J'ai 6 belles manchettes. Un aventurier aveugle aux commandes d'un ultra léger qui tente de relier l'Angleterre à l'Australie. Ça prend une très, très longue... Le gars, il est aveugle. Et pilote d'avion, oui. C'est parce qu'il y a une canne blanche qui est très, très, très longue. Ah, oui, exactement. Oui, alors, l'armée suisse a envahi le Liechtenstein par erreur cette semaine. Paris Hilton, c'est à cause du mauvais temps. Pour vrai, là? Oui, Paris Hilton risque la prison. S'est fait prendre pour... t'es déjà en probation, je pense, pour conduite avec faculté affaiblie. S'est fait prendre. Naomi Campbell a été condamnée à des travaux ménagers. Et il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter en Suède et qui a expliqué au juge sa mauvaise conduite automobile. C'est parce que il avait pas remarqué qu'on roulait à droite depuis 67 en Suède. C'est un vieux monsieur qui avait pas conduit depuis 40 ans. OK. Et il y a cette Coréenne, n'est-ce pas, qui a chanté pendant 60 heures d'affilée pour réconforter son mari malade. 60 heures d'affilée? 60 heures. Est-ce que c'est un nouveau record? Un nouveau record? Un nouveau record? Oui, ça l'a battu un record. Okay. Mais c'est quoi? C'est homologué? C'est bizarre, Paris. Oui, tout à fait. Le maire est passé, puis ils ont dit que ça fait deux jours qu'elle chante, fait que continue 12 heures. Là, ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Aïe, c'est vraiment des affaires. Oui, on a des nouvelles assez spéciales ici à 70%. D'ailleurs, je suis content de dire que demain, je vais participer à l'émission J'en connais une bonne qui passe au Canal D. Et puis, ben là, j'ai commencé parce qu'il faut que j'aille raconter des blagues. Et puis, Dieu sait que je suis très bon pour raconter des blagues. Oui, pratique-toi. Ben oui, mais c'est ça, j'en ai une ou deux ici que je vais vous... Hey, regarde là-bas, des chevaux! C'est ben des non, chevaux. On dit des chevaux. Ben oui. Ah ben ça a vraiment l'air d'être des chevals. Est excellente. hey, la gang à Montréal, hein, l'énergie, t'as senti? On rit-tu pour rien? Ça te tente-tu? Hein? Ah oui, c'est le retour à la maison. Ah, on a du fun, là, la gang à Montréal, l'énergie. Oh oui, la gang l'énergie. Hey, commissaire, est-ce que le ventriloque et ventreur vient de confesser? Non, mais il y a un de nos inspecteurs qui vient de passer aux aveux complets. Eh, mieux, celle-là. Eh, mieux, t'as trouvé. Oui, oui. Mais moi, personnellement, à mon goût. Oui, ben c'est correct, ça. Oui. Hier, mon collègue, qui ne l'aimait pas, il aimait mieux. Je fais ça vite. Ouais, c'est ça, c'est le guide au musée. Il dit « Voilà un squelette de Diplodocus qui a 33 millions d'années. » Et 33. Là, il y a une madame qui demande « Mais comment ça, vous êtes capable de le dater aussi précisément? » Ben là, le gars, il dit « Écoutez, madame, quand que je suis rentré, le monsieur m'a dit qu'il y avait 33 millions, puis ça fait 33 ans. » Il est précis, le monsieur. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, je l'ai mal raconté. Il va falloir que je m'entraîne. C'est juste qu'elle est plate, c'est tout. Non, elle n'est pas plate. Elle était correcte. Ouais, juste correcte. Oui, elle était correcte. Bien raconté. Est-ce que t'en as une, Michel? Oui, mais elle est trop longue. Ben, on a. C'est une madame qui rentre à l'hôpital, puis elle est très mal en point, puis le bon Dieu apparaît, puis dit tu vas vivre encore 42 ans, fais-toi-en pas. Fait que là, elle est toute contente. Elle a guéri rapidement. Puis elle dit tant qu'elle est à l'hôpital, je vais me faire monter les seins, j'ai bien du temps à vivre. Je vais faire monter à face, à se faire une liposuction. Deux semaines, elle sort de l'hôpital, boum, elle se fait frapper par un char, elle est morte. Elle arrive au ciel, elle dit, bon Dieu, tu m'avais dit que j'avais 43 ans en vie. Ben, il dit, excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu. Moi, je suis pas bon pour compter des histoires. Je suis pas même meilleur que toi. Hein. Ouais, je suis mieux fermé ma gueule. Ah ben moi je veux passer à la TV. C'est bonne. Okay. Ben tu sais, il faut se reprendre, hein? Ben oui, c'est ça. Ben je pense qu'on est rendu déjà à la fin de 70% pour aujourd'hui. Ah merde, pas de comique la semaine. Ben oui. On n'a pas parlé de Georges Braque. J'étais supposé parler de la journée internationale de la femme. De Kovalev. Ça va aller à la semaine prochaine. Oui. Kovalev, il a vécu des aventures cette semaine. Oui, les nouveaux biscuits chunky. Ah oui, il y en a des nouveaux. La retraite d'Éric Lapointe. Le joueur de football, on s'entend. Là, ouais, c'est ça. Ah c'est bon? Pas celui qu'on aimerait qu'il prenne sa retraite. J'avais ce gars-là qui est en prison depuis plus de 50 ans, qui arrive au terme de sa peine et puis qui ne veut, il veut pas sortir. Ouais, on peut le comprendre. Après 50 ans, passer à la même place, t'as plus envie de t'en aller. Oui, tout à fait. Fait que là, il essaye de le faire sortir. Puis ce qui arrive, c'est que ce gars-là, il s'est ramassé en dedans parce qu'il a d'abord violé et tué sa sœur quand il avait 17 ans. Ah, Plus tard, dans les années 70, à la faveur d'une brève période de liberté, il a tenté de tuer sa mère. Ben voyons. Puis au début des années 90, tu sais, il ressort ben du oui, temps. C'est ça. Au début des années 90, il a violé et étranglé une femme avant de l'achever à coups de pierre. Puis il dit lui-même que c'est de la faute, c'est parce qu'il n'a pas été chanceux, s'il est toujours retourné en prison, n'est-ce pas? C'est la faute à pas de chance, comme il dit. C'est Monsieur Niemann, c'est un Allemand de 71 ans. Puis là, il essaye de le sortir de là, mais dans le fond, Christ, ben, il n'y a rien à faire avec ça. Ben oui, voyons donc. Mais c'est sérieux, ça? Tout à fait. C'est tout à fait. Vraiment... Toutes les nouvelles à 70% sont très vraies. Oui, et puis, ça vient de Berlin, ça. C'est en Allemagne. Mm-hmm. Puis j'avais ces deux-là, peut-être, qui t'auraient inspiré. Oui, t'as le temps. Ben, il y a le parapentiste italien qui a été retrouvé vivant dimanche après être resté pendant 3 jours accroché aux branches d'un arbre, la tête en bas. Il est globalement tranquille, mais de temps en temps, par contre, il y a des moments de confusion, puis il prononce des phrases un peu insensées, comme s'il ne se rendait pas compte de la situation dans laquelle il se trouve, n'est-ce pas? Puis il y a une autre parapentiste qui a été entraînée, OK? Elle est passée de 760 mètres à 9950 mètres, à 10 km dans les airs. C'est un kilomètre, plus d'un kilomètre plus haut que le Mont Everest. C'est incroyable. Elle s'est fait prendre dans un tourbillon, puis elle s'est ramassée là, elle a perdu conscience, puis elle a réussi à s'en sortir, elle est revenue en bas. Il y a un Chinois, par contre. Je l'ai lu, ça. Qui, lui, pendant la même intempérie, disons, lui a eu la moins de chance, il est mort, puis il a retrouvé son corps 75 kilomètres plus loin. Ah, ça apprécie. De où c'est qu'il est parti. Et voilà, le parapente qui fait encore des victimes. N'oubliez pas de mettre votre casque. Merci beaucoup, Michel Lozière. Ça donne aucune inspiration des numéros. Merci, messieurs. On rappelle à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 23 mars prochain, gros party chez nous. Et puis on achète exact et également le dictionnaire inutile mais pratique de toute beauté. Voilà, c'était 70%. Merci Simon, un plaisir. Merci Michel. Mais merci beaucoup. On avait merci fait ça encore une fois. Merci maman. On va maman. Aller lire le livre. Read. Et là, c'est pas bon. L'événement pète dans le front. J'ai vraiment mal. À mon occipital, c'est quoi ça, c'est-tu? Mais là, ça va